Ton portable est éteint? Oui, je n'ai plus de batterie. C'est affreux. Tu veux mon chargeur? Ce n'est pas le même modèle.